Oui, il y a des papiers qui vont circuler si vous avez des questions, ou même si vous levez, vous dites, ah, je suis pas d'accord. D'accord. Ça, il y a aucun souci. En tout cas, c'est en train de distribuer, Inch'Allah. Et donc, justement, pour terminer, justement, comme ça nous laisse ouvert la discussion, Inch'Allah. Une trentaine de minutes. Quoi qu'il arrive, vous devez considérer une chose très importante, et ça, c'est une loi qu'Allah Ta'ala a installée. C'est que les individus, tout comme les groupes, les individus, tout comme les groupes, sont à l'image de leurs ambitions. Vous entendez? Les individus, tout comme les groupes, sont à l'image de leurs ambitions. S'ils ont des ambitions très poussées, alors ne soyez pas surpris qu'ils soient arrivés à de grands résultats. Quelle que soit leur valeur, quelle que soit leur manière, quels que soient leurs principes, même parfois ils n'en ont pas. Hein? C'est vrai ça? C'est vrai ou pas? Les Chinois, c'est des musulmans? La Chine, c'est un État islamique? Et là, aujourd'hui, ils sont en train de dominer. Hein? Aujourd'hui, ils tapent sur la table, ça commence à trembler. Hein? Bon, les Américains continuent à la faire trembler. Les Américains, c'est une daoula islamique. Pourtant, ils tapent sur la table, elle tremble la table. Hein? Oui ou non? Alors, c'est quoi? Comment ça se fait? Comment c'est possible que ce soit des gens puissants alors qu'ils ne croient pas en Allah Azzawajal et qu'ils ne sont pas soumis à lui? Parce qu'ils ont des ambitions. Et je ne vois pas des communautés encore aujourd'hui en France. Hein, les problèmes, les débats qu'on a aujourd'hui, des communautés qui arrivent à gagner certaines choses, comment elles font? Parce qu'elles ont des objectifs, elles ont des ambitions. Quelles que soient vos ambitions, si vous avez de grandes ambitions, vous les réaliserez. Sauf que nous, justement, comme disent les savants en islam, c'est que nous, on a une himma normalement, on a une vraie ambition. Sauf que, à la différence de toutes les ambitions que vous pouvez imaginer ou connaître sur terre, himmatuna aliyah. Notre ambition, elle est profonde, elle est forte, mais elle est haute. Elle est haute par ses valeurs, par ses principes, et elle est haute par sa destination. Car en fin de compte, nous on cherche qui? Allah Azzawajal. Mais le problème, c'est ça. C'est que là, nous donnons la preuve, je suis désolé de le dire, mais vous le voyez bien, nous donnons la preuve que ce n'est pas notre ambition. Car si c'était vraiment notre ambition, eh bien l'histoire nous a montré ce que c'était les résultats. N'est-ce pas? On peut pas rester tout petit, humble, alors que notre ambition, c'est le créateur de l'univers. C'est pas possible. Vous voulez dire que l'ambition de Allah Ta'ala, c'est inférieur à l'ambition américaine? À l'ambition chinoise? L'ambition matérialiste? Communautariste? Non? Vous avez le schéma en face de vous. Et Inch'Allah Ta'ala, on peut se souvenir de ça, on demande à ce qu'Allah Ta'ala nous affermisse sur le droit chemin et qu'il fasse que nous soyons parmi de ceux qui suivent sans sa voix. Bon gré mal gré, qui suit surtout sa voie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les conjonctures, mais que nous soyons fidèles à son message et que nous soyons toujours fidèles à ce que Dieu aime et agrée. Et ce que Dieu aime et agrée, c'est la douceur, la bonté, la miséricorde et l'équilibre dans chaque chose. Et Allah Ta'ala est le seul garant de nos succès. Allahumma amin. N'hésitez pas, enfin même relever directement, ça ne me dérange pas. Vous avez parlé des heures de qualité avec les enfants. Quels sont vos conseils dans ce domaine? Alors là, mais il y a, comme j'ai dit, la première des choses, c'est de commencer à considérer votre demeure et votre foyer comme étant un centre que vous devez gérer. Vous devez être le maître de ce centre-là et ne pas subir ce qui s'y passe. C'est la réalité de la vie. Les choses vont, et on avance, et en fait, on croit qu'on gère, or en fait, on est géré. On est géré par les impératifs classiques. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous faites n'importe quoi, non, vous êtes géré par les impératifs classiques de votre vie. Comme j'ai dit, faire ses courses, s'habiller, les démarches administratives, etc., les sorties, l'école et tout, la famille, voilà. On est, et ça, c'est pas normal. Vous ne devez pas vous faire gérer. Vous devez vous gérer. Donc déjà, à vous de commencer, ça paraît difficile, c'est vrai, mais c'est pourtant nécessaire. Vous devez tout mettre sur un papier. Vous devez poser comme ça. Mais des fois, je sais que ça peut paraître bizarre, mais en plus, je ne sais pas si sûrement il doit y en avoir parmi nous, des chefs d'entreprise, ou des gens qui travaillent dans... Vous devez faire comme si vous gérez une unité productive. Votre production, c'est la foi. C'est votre travail, c'est ça votre production. Et vous devez tout gérer, votre unité, vous devez la gérer, de sorte à ce qu'elle ne produise que ça. Que de la spiritualité. Donc, le temps pour les besoins vitaux, le temps pour les moments privilégiés en famille, le temps pour les sorties, le temps pour le sport, le temps pour les cours, etc. Pour ce qui est du moment de qualité avec les enfants, il faut apprivoiser leur temps. Il faut apprivoiser leur temps. C'est-à-dire que... mais ça, en réalité, ça commence à la source. Après, pour plus tard, ça demande des réparations qui sont plus complexes, mais néanmoins faisables. C'est que il faut faire en sorte que les moments de qualité soient des moments voulus par les enfants eux-mêmes. Pas par vous. C'est pas facile. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ça doit être voulu par les enfants eux-mêmes. Et là encore, on part sur notre réalité. Vos enfants, nos enfants vivent dans cette société. Ils aiment ce que cette société leur dit d'aimer. Avant même que vous le dites, vous êtes dépassé. Avant même que vous ayez le temps de leur dire, il faut que tu aimes ça, avant, il faut que tu aimes Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, eux ils aiment déjà des footballeurs, etc., etc. Et oui, parce que ça va très vite, c'est la vérité. Et tu ne peux pas commencer à leur enlever ça de la tête, tu ne peux pas. Pour faire aimer quelqu'un à quelqu'un, il faut lui parler comme son cœur aime entendre. Interrogez-vous. Pourquoi nos enfants aiment tel joueur de foot, telle personnalité, telle chose, telle émission, tel film? Pourquoi ils aiment ça? Vous pensez que c'est des extraterrestres? Ou ils sont possédés par le diable? Non. Il faut se poser la question, pourquoi ils aiment ça? Ils aiment ça parce qu'ils reconnaissent des choses. Et effectivement, ça peut paraître, enfin, ce serait très long d'aller dans les détails, mais il faut comprendre que les enfants ont besoin de repères. Et que parfois, il se passe deux choses. Soit ils reconnaissent très vite des repères dans l'un des parents, et ça s'approche, et en fait il y a eu affection, miséricorde et amour. Tu veux poser des questions? Oui. Pourquoi c'est trop le chèque? Ah, c'est un micro, comme ça on entend. Parce qu'il y a des questions. Ah, ok. Sur la question, pour la même la traduire, on a effectivement ce verset où Allah Ta'ala nous dit et craignez-le, et craignez Dieu. Soyez conscient de la présence d'Allah Azza wa Jal, comme vous le pouvez. On traduit souvent par comme vous le pouvez, ce qui est d'ailleurs une des deux réponses. Comme vous le pouvez, ou autant que vous pouvez. Ça, autant que vous pouvez, ou comme vous pouvez. Autant que vous pouvez, ou comme vous pouvez. En réalité, c'est les deux. Autant que vous pouvez, comme vous pouvez. Comme vous pouvez, c'est avec les moyens du bord. C'est vrai, hein, c'est avec les moyens du bord. On ne demande pas, à un paysan de craindre Allah Ta'ala comme un savant. Et on demande pas, par contre, on n'acceptera pas d'un savant qui se mette à craindre Allah Azza wa Jal à un niveau minimal. Il se contente du minimum syndical. Il sait, pourtant il fait le minimum. C'est pas normal. Donc c'est à la fois dans le comment, c'est qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil, mais c'est aussi l'effort autant qu'on peut. Ça veut dire quoi autant qu'on peut aussi? Il faut tenir compte d'une chose très importante, la vie, c'est pas une ligne comme ça. La vie, c'est ça. Ça aussi. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts dans votre foi, il y a des bas. Il y a des hauts dans votre spiritualité, il y a des hauts dans votre prière. Regardez juste une seule prière. Regardez une seule prière. Et dites-moi que votre prière, elle est toujours la même de toutes les prières que vous faites. Non, rien que votre prière. Votre prière est un indicateur magnifique, subhanallah. Allah Azzawajal, il vous donne un carnet dans lequel vous remplissez que vous le voulez ou non. Vous le remplissez, c'est comme un carnet sur vous, un journal. Prière de subh. Fatigué, yeux fermés, une seule envie, aller dans mon lit. Même si vous ne vous le dites pas, même si vous ne l'écrivez pas sur un papier, ça a été écrit. Autre jour après, prière de subh, j'ai jamais autant apprécié une prière comme celle-ci. J'ai jamais autant médité les trois versets que j'ai lus à ce moment-là. J'ai jamais autant apprécié d'avoir fait des doigts pendant que j'étais prosterné, etc. Les prières sont des indicateurs pour vous. Et donc, par rapport au moment privilégié, je reviens sur la question du moment privilégié avec les enfants, c'est qu'en fait, il faut écouter ce qu'ils aiment tout en prenons compte qu'il faut orienter ce qu'ils aiment. Car n'oubliez pas une chose, on aime avec raison. Ça paraît bizarre de dire ça, je vous assure qu'on aime avec raison. on a toujours des bonnes raisons d'aimer. Vous comprenez ? Quand les gens aiment quelque chose, ils ont des bonnes raisons d'aimer. On pense souvent, et c'est la société qui nous fait croire ça, justement, cette société d'aujourd'hui, elle fait croire que l'amour, quel que soit l'amour, est un amour de fou. C'est, on aime comme ça. Je sais pas, j'aime. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a des bonnes raisons d'aimer. Et là, le vrai travail qu'il faut mener, c'est savoir pourquoi on aime. Pourquoi, à votre avis, Allah Ta'ala nous dit, c'est dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit qu'il faut aimer Allah et son messager. C'est bizarre d'ordonner d'aimer. Parce qu'il y a en fait des bonnes raisons. Dieu nous dit, vous avez des bonnes raisons d'aimer Dieu et son messager. Donc, donnez des bonnes raisons à vos enfants d'aimer Allah Ta'ala et son messager, de vous aimer vous. Donnez-leur de bonnes raisons. On ne peut pas leur imposer de nous aimer. On leur donne des bonnes raisons, des bons arguments. Et faites en sorte que, si vous voyez qu'ils aiment quelque chose que vous n'agréez pas, et que Dieu n'agrée pas, il ne faut pas frapper sur ce qu'ils aiment. C'est une mauvaise idée. Il faut changer le cap de leur amour. Vous comprenez ? Ça veut dire identifier les raisons. Discuter. Dialoguer. Et voler des moments. Soyez des kidnappeurs de temps. Vous devez kidnapper le temps de vos enfants. Vous devez gérer. C'est comme ça. Parfois, le temps s'est imposé à vous. Alors, vous devez vous incruster. Parfois, vous pouvez l'imposer. Imposez-le. Avec douceur, mais imposez-le. Là, vous avez une clé avec les enfants. Avec vos enfants, vous avez une clé, c'est le temps. Et vous devez la gérer. Sinon, elle sera sur vous. Allah. Tout au début, je vais vous demander de nous pardonner, de rester un petit peu plus long que la normale, parce qu'on ne va pas pouvoir faire salat à l'écart. Donc, je demande à tout le monde de pardonner ça là. Juste là, il y a des questions qu'on ne va pas peut-être poser. Donc, on vous a expliqué qu'il ne faut pas poser des questions juridiques, parce que le frère, il n'est pas venu pour faire des fatwas. On épargne, Inch'Allah, il n'est pas venu pour faire des fatwas. C'est-à-dire, fatwa, la prochaine fois, Inch'Allah, vous aurez un chiffre spécial fatwa. Donc, pour la soeur qui a posé la question, peut-être on va pouvoir répondre à la fin. Mais là, il y a des questions qui concernent le thème, Inch'Allah. Quel est l'équilibre possible entre le fait de laisser son enfant comprendre la culture de cette société, justement pour concrétiser l'image évoquée des prophètes à Rouhan, et préserver celui de l'immersion complète dans cette culture perte d'identité? C'est une très très bonne question, très juste question. En fait, c'est d'abord de dédramatiser les choses. Vous comprenez ? Il faut dédramatiser les choses. Il ne faut pas laisser voir à nos enfants qu'on panique. Quand il y a panique, ça commence déjà à être trouble, ça ne va pas le faire. Ça veut dire qu'il faut que vous-même, vous soyez dans cette immersion avec votre enfant. En fait, vous devez laisser plonger vos enfants. Là, vous aussi, vous avez pied. Vous voyez ou pas ? C'est normal. C'est ce que tout le monde ferait quand on initie nos enfants à la natation. Si on devait les faire nager, vous n'allez pas les laisser nager alors que vous ne savez pas nager. Allez, vas-y maintenant. Avance. Non, vous savez que vous avez pied. Et vous pouvez gérer. Donc, c'est pour ça que c'est impératif que vous aussi vous accompagniez. Et des fois, je le dis en toute honnêteté, des fois ça va vous imposer d'entendre, de voir des choses que peut-être au début vous dites que vous ne devez pas le voir. Mais croyez-moi, parfois c'est absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas faire semblant. Et vous ne pouvez pas, sous prétexte que non, c'est haram, que ça ne veut pas dire que vous allez commencer à chercher des trucs vicieux, pas du tout. Mais vous devez être un minimum, raisonnablement au courant de ce que vos enfants regardent et écoutent. Et s'il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter, qu'ils regardent et qu'ils écoutent, alors vous devez être en mesure de leur faire éviter ça. La question, c'est quoi ? C'est que moi, je suis convaincu que ce que nous, on a à proposer comme modèle, ce que nous, on a à proposer comme idée, ce que nous, on a à proposer comme principe, est plus beau, est plus fort, est plus agréable, est plus utile à nos enfants que quoi que ce soit qu'on puisse leur proposer d'autre. Le problème, c'est comment on le voit. Ça, c'est le vrai problème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez montrer à vos enfants que vous n'avez pas peur. Parce que vous devez montrer en un sens que vous n'avez peur que d'une seule chose, c'est que vous n'avez peur que d'Allah. En fait, au final, vous n'avez peur que d'Allah. Et vous avez peur de ce que Dieu n'aime pas. Mais vous devez montrer à vos enfants qu'ils sont responsables, surtout quand ils commencent à grandir, qu'ils sont responsables. Quand vous lisez la sunna, ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut enseigner la prière à 6-7 ans. Ça, hein. Si c'est toi, vous commencez à leur apprendre la prière. À 10 ans, corrigez-les. Corriger, ça veut pas dire on les tabasse. Hein. Je comprends bien. Meilleure manière de leur faire détester la prière. Hein. Non, corrigez-les, vous savez c'est quoi ? C'est de juste le fait de leur rendre des comptes. C'est-à-dire, 10, 11 ans, tiens, est-ce que tu as fait ta prière ? Non. C'est pas, hop, une tarte. Non. Il a dit non, pourquoi tu n'as pas fait ta prière? Au début, il faut dire, non, mais j'ai oublié, etc. Non, mais pourquoi tu n'as pas fait ta prière? Mais dis-moi. Je sais ce qu'il arrive à dire la vérité. Que vous arrivez à entendre, ça me saoule. Ouais, ça me dérange. Ouais, j'ai pas que ça à faire. Puis ouais, mais ou, ça sert à rien. Oui, bien sûr, ouais, ça sert à rien. Bah oui. Il faut être prêt à les entendre. Et c'est ça qu'il faut écouter. C'est pour ça que, en réalité, il y a, et pour essayer de boucler la boucle, je sais que c'est pas très simple, mais par rapport à la question qui vient d'être posée, il faut comprendre que les choses fonctionnent dans une société, dans quelle que soit la société, il y a ce qu'on appelle une analyse sociologique qui parle de ce qu'on appelle les cultures dynamiques. Ça veut dire quoi? Elle dit quelque chose de très intéressant, et c'est pour ça boucle vraiment la question que vous venez de me poser. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. C'est quoi l'acculturation? Il y a plein de gens qui l'interprètent différemment, mais moi je vais vous donner cette interprétation à laquelle je suis plutôt fidèle, celle de Roger Bastide. Il dit que l'acculturation, c'est lorsqu'il y a interpénétration culturelle de part et d'autre. Ça veut dire que lorsque vous avez une personne d'une culture X face à une personne d'une culture Y, à partir du moment où ils sont contraints, par X ou Y raison, comme on dit, à vivre ensemble, alors X va déteindre sur Y et Y va déteindre sur X. Après, bien entendu, comme nous connaissons Sunnat al-Sira, hein, la loi d'Allah Ta'ala des oppositions, des conflits, c'est la loi du plus fort. Ça, vous devez le savoir. C'est pas un scoop, j'espère. Vous savez que ce monde-là est gouverné par la loi du plus fort. Si l'injuste est plus fort, il gouverne. Si le juste est plus fort, c'est lui qui gouverne. C'est pas parce qu'on est juste et qu'on n'a aucune arme et qu'on n'a aucun moyen de se défendre qu'on gagnera. Non, non, non, il faut être fort. C'est comme ça. Donc, c'est la culture la plus forte qui l'emportera. Mais dans les deux cas, dans tous les cas, l'un influencera l'autre. Donc, il faut être capable de donner à ses enfants des outils. Il faut leur donner cette... Il faut leur parler. Tiens, tu es avec tes amis, qu'est-ce que tu as regardé? De quoi vous avez parlé? Alors bien sûr, des fois, ils ne vont pas vouloir vous dire. Ça, c'est clair. Il faut essayer de devancer, il faut essayer d'identifier les choses. Il faut discuter, il faut dialoguer. Et je terminerai sur cette question de... Allah Ta'ala nous a appris, dans des grandes lignes, mais il nous a appris comment on se comporte avec... Comment on se comporte en éducation. Comment le supérieur se comporte avec l'inférieur. Parce qu'a priori, c'est ça. Les parents, c'est des supérieurs, des enfants. Allah Azza wa Jal, Iblis, Allah Ali, il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala qui ordonne aux anges de se prosterner. Vous apprécierez une chose importante, hein? On sait tous, hein, qu'Iblis, c'est pas un ange. Oui? Ok, la minajin, fa fa saqa an amr rabbi. Hein, c'était un djinn. Vous avez vu ce que Allah Ta'ala fait? Il y avait Iblis dedans. Déjà, première leçon que Dieu vous donne, égalité. Vous devez mettre tout le monde sur le pied d'égalité, sur le même pied d'égalité. Pareil pour vos enfants, tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Très important. Ça, déjà, c'est important, pas de favoritisme. Parce que c'est difficile, hein. La nature humaine est comme ça. On préfère les premiers, parfois on préfère la fille, ou parfois on préfère le garçon. C'est humain, c'est tout à fait humain. Mais on doit lutter contre ça, pour le mettre, pour que, surtout quand on a plusieurs enfants, qu'ils sentent qu'ils sont sur le même pied d'égalité. Premièrement. Deuxièmement, prosternez-vous devant Adam. Un ordre clair. Désobéissance. Désobéissance claire. Il n'y a pas plus clair. Fa'aba wa stakbar. Il a refusé et il s'est enorgueilli. Fa'aba wa stakbar. Qu'est-ce qu'a fait Allah Azza wa Jalla? Il aurait pu le supprimer. Il aurait pu le détruire. Il aurait pu le brûler. Il aurait pu même le faire un châtiment tout de suite là. Juste châtiment, et après il arrête, et après on discute. Oui ou non? Non. Allah Ta'ala nous dit, pourquoi tu ne fais pas partie de ceux qui se prosternent? Vous vous rendez compte? Hiwar ilay. Un dialogue divin. Un dialogue entre Dieu et... Il mal'oun. Iblis. Enfin, il n'était pas encore à ce moment-là. Parce qu'il avait une chance. Et il avait une chance. Quand Dieu lui a dit ça, il a donné une chance pour se rattraper. Et donc du coup, vous voyez qu'il y a un dialogue. Al-Khalq, le créateur, a dialogué avec celui qui l'a désobéi, alors que ce n'est que sa créature, son serviteur. Et nous, on perd patience avec nos enfants. On doit dialoguer avec nos enfants. Vous allez même devoir apprendre à ravaler parfois même certaines colères, même sur certains péchés. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que le péché, c'est le fruit de plusieurs choses. Et avant d'attaquer ou d'intervenir, il faut essayer de comprendre c'est le fruit de quoi. pourquoi votre enfant a fait ces péchés-là, pourquoi il a désobéi ou pourquoi il a fait telle ou telle chose. C'est ça que vous devez comprendre avant tout. C'est important. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala a fait. Pourquoi ne t'es-tu pas prosterné? Allah Ta'ala ne lui a pas dit, est-ce que tu as mal compris mon ordre? Non, il dit, pourquoi tu ne t'es pas prosterné? On doit chercher les raisons. Donc c'est pour ça que accompagner ses enfants, leur donner confiance, leur donner des outils, il faut qu'ils lisent. Vraiment là par contre, il faut les préserver aussi en termes de lecture, leur apprendre à lire très tôt, leur apprendre à attacher aux livres. Il faut une bibliothèque. Oui, je le dis, je le répète, il faut une bibliothèque, même si au début c'est des bandes dessinées. Éviter les trucs un peu violents ou bizarres, ça, c'est à vous de filtrer. Au début, vous savez, hein, à 6-7 ans, il mange. Hein. Ça va ou pas? Il mange à 6-7 ans. Vous donnez n'importe quoi, il mange, l'enfant. C'est plus tard qu'il commence à faire son opinion avec ses amis, etc. Donc faites-lui d'abord, donnez-lui le goût de la lecture. Pour qu'après, le plus tôt possible, il puisse même être capable de lire le Coran. Ne serait-ce qu'en français. Ne serait-ce que le sens des versets en français. Et après, bien entendu, la langue arabe, etc. Donc ayez une complicité et un accompagnement de tous les instants, et c'est un jihad. C'est un jihad, un vrai de vrai. Alors, je vais juste profiter de répondre à une question, avant qu'on comprenne. Voilà, moi j'ai 10 minutes, très bien. En fait, ça va même, je pense que je vais même prendre ces deux en même temps, en fait, parce que elles étaient très proches, je trouvais. Je l'ai plus ici. Oui, voilà. Il y avait une première question, c'était comment réussir à vivre et rester serein dans une société française, parce que c'est le sujet traité justement. Quand on est constamment attaqué, des blagues, des piques, des remarques, etc., dans son lieu de travail par exemple, entre temps ça peut être à l'école, etc. Je vais la faire rejoindre avec une autre question, se sentir seul dans un groupe d'individus musulmans, c'est vraiment ce que mon cas de la personne qui pose la question. Qu'est-ce qu'on conseille? Qu'est-ce que je conseille? C'est là que, subhanallah, on voit une chose importante. On voit, alhamdoulilah, énormément de musulmans qui reviennent à la religion. Comme on appelle même ça en sociologie, un phénomène de réislamisation. Alhamdoulilah. C'est un phénomène qui date depuis un long moment et qui est très important. Sauf que, et ça c'est normal, c'est malheureusement naturel, mais c'est comme ça, c'est que lorsqu'on fait un retour, on commence souvent par ce qui est plus facile. C'est les chemins, c'est les raccourcis qu'on fait. Donc on commence par ce qui est à la surface, ce qui est à la façade, ce qui est apparent et classique. La prière d'abord. C'est important. Mais c'est aussi facile, quelque part. C'est facile. Demandez à n'importe quel jeune de faire quelques gestes, il sait, c'est bon. Il sent que c'est facile. Mais maintenant, quelle est la profondeur de la prière? C'est un autre problème, on l'a vu. Et là, avec tout, alhamdoulilah, al-barmin, cet engain de nos frères et nos sœurs qui reviennent à l'islam, il y a véritablement ce problème de comment on cultive la foi. Comment la foi que j'ai là, je l'ai, comment je la cultive? Comment je la fais pousser? Comment je donne de la force? Comment je l'illumine? Il n'y a pas 10 000 solutions. Il y en a une qui est importante, c'est le Coran. Mais vraiment, c'est pas juste, oh, c'est le Coran, regardez, elle est tout dedans. Non, non, non. C'est avoir une relation avec le Coran. Et je vous assure que, subhanallah, si certains d'entre vous le font, et j'en suis sûr, mais quand vous essayez de le faire, vous voyez que c'est très difficile. Parce que précisément, c'est important. Parce que précisément, c'est quelque chose de très utile pour vous. D'avoir une relation avec le Coran. Une vraie relation avec le Coran. Ça veut dire quoi une vraie relation avec le Coran? Je vais essayer de prendre tous les schémas. Vous avez le schéma, alhamdoulilah, de ceux parmi nous qui parlent l'arabe. À eux, il n'y a pas d'excuse. Ils doivent lire le Coran en arabe. Et ils doivent le lire tous les jours. On pense souvent à certaines obligations classiques. C'est une obligation, mes frères. C'est une obligation. Celui qui lit l'arabe doit lire l'arabe, doit lire le Coran tous les jours. Il ne doit pas passer une journée sans l'avoir lu. C'est pas normal. Allah Ta'ala a mis sa parole, il vous parle, et vous ne voulez pas l'écouter. Vous dites, tiens, je me laisse 2-3 jours avant de l'écouter. C'est quoi ça? Et surtout, vous avez besoin de ça. Il y a ceux qui, c'est un peu difficile, entre l'arabe et le français. Ils parlent un petit peu l'arabe, mais c'est toujours un petit peu difficile. Comme on dit, ils écorchent un petit peu. Qu'ils fassent l'effort de lire en arabe. Même s'ils suent en lisant juste la moitié d'une page. Et qu'ensuite, ils lisent le sens des versets en français. Et pour ceux qui parlent, qui sont un peu ravisants, mais qui ne parlent pas très bien ou qui ne le lisent pas très bien, qu'ils l'écoutent. Qu'ils l'écoutent, mais qu'ils choisissent des morceaux qu'ils écoutent, qu'ils puissent même après lire la traduction des sens. Mais vous devez avoir un lien quotidien. Quand je dis un lien, c'est pas un lien juste vocal, hein, un lien harmonique. Non, non, je parle d'un lien réel. Il faut que chaque jour que je fais, chaque jour, vous ayez une signification, un sens coranique dans votre tête. Par exemple, a priori, aujourd'hui, moi j'ai voulu faire en sorte que vous ayez Iqra dans votre tête. Par exemple. Ou le fameux verset des trois parties. Vous avez un sens dans votre tête. Si, wallah, vous avez juste un verset dans votre tête qui tourne, pendant une journée, vous avez gagné votre journée. Parce que vous croyez quoi? Vous croyez qu'un verset c'est rien? Un verset ça change tout. Un verset change tout votre univers. Donc, avoir un contact avec le Coran, le problème, c'est effectivement comme nous n'avons pas ce contact-là, et bien entendu pour nos frères et nos sœurs purement francophones, qu'ils fassent l'effort autant que ce soit possible. Je suppose qu'il y a des cours d'arabe ici? Des cours de Coran, c'est magnifique, c'est vraiment très important. Et en plus, je suppose que, alhamdoulilah, je sais que vous avez des enseignements de qualité, donc vraiment, profitez-en d'apprendre. C'est important. Pas méga obligatoire, mais c'est important, très important. Et malgré tout, parce que vous ne devez pas attendre de lire en français l'essence, de le lire et de le relire, car le texte coranique est tellement puissant que même les traductions, il les pénètre. Le sens coranique est tellement puissant qu'il pénètre même la traduction. C'est-à-dire que vous lisez une traduction qui normalement est dévitalisée, oui, mais le sens est passé. Il y a un sens qui passe quand même. Parce que c'est le Coran, c'est pas un texte n'importe lequel. Et donc, d'avoir cette relation-là, il faut avoir une relation privilégiée avec le Coran quotidiennement. Pourquoi je dis ça par rapport aux questions qu'on vient de me poser? La première, c'est quand on parle de la question des blagues, des piques et des... Il y a le Coran qui parle de ça. Plusieurs versets. Où Allah Azza wa Jalla dit: et ne soyez pas attristés par ce qu'ils vous disent, et que ce qu'ils vous disent ne vous cause aucune peine. Autre verset, et Dieu dit: et Dieu sait que leurs propos sont pénibles pour vous. Et Dieu sait que ce qu'ils vous disent, c'est qui ils? Ben, c'est ceux qui n'adhèrent pas à votre religion. Il y en a plein en France, et oui, et la télé elle joue pas mal, elle joue un beau jeu là-dedans. Et bien, et que ce qu'ils vous disent, Dieu dit, et Dieu sait que ce qu'ils vous disent, c'est pénible pour vous. Et le Coran vous donne la solution, il continue. Et vous avez ce secret-là, ça, c'est pour ça répondra à la question sur les piques, et en même temps sur la question de se sentir seul. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ça? Sourate al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Et soutenez-vous. Ah oui, quand on ne se soutient pas tout seul. Hein. Ça va ou pas? Je ne peux pas me soutenir tout seul, c'est pas facile, je peux. Ah, Hamza, tiens bon. Ouais, mais c'est toujours plus fort, c'est toujours mieux déjà quand on fait un seul. Un seul, il est là à côté de vous, il fait: allez, tiens coup, te laisse pas avoir. Juste un seul. Vous vous rendez compte? Et là, je reviens sur ma notion de groupe. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Vous devez vous soutenir par wasta'inu bis-sabri, par la patience. Et certains savants disent que c'est par la patience, mais avec patience. Vous voyez ? Par la patience et avec patience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas dire à ton frère ou tu vas dire à ta sœur, il faut qu'on tienne, il faut qu'on voit les choses du bon côté, en l'entendant toujours avec nous. Et quelqu'un va te répondre, un frère ou une sœur, bon, laisse-moi tranquille. Tu connais pas ma vie. Tu connais pas mon problème. Qu'est-ce que tu dis à l'entendant ? Wasta'inu bis-sabr. Was-salat. Sabr. Sabr, c'est aussi à celui à qui vous le dites, mais c'est sabr aussi pour vous. Donc vous patientez. Et là c'est déjà une preuve d'amour. Et c'est une preuve de lien. C'est comme ça qu'on crée un vrai lien. Donc c'est pour ça qu'effectivement il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Lorsqu'on est attaqué, il faut se regrouper. C'est vital, hein. Lorsqu'on est attaqué, il faut se regrouper. Et je vais vous dire une chose. Il y a une sunna justement, malheureusement. Et je pense que c'est pas moi qui fais le constat, vous le faites tous. C'est que nous ne sommes pas un groupe. Nous ne sommes pas une communauté. Comme nous disait un grand savant, il disait que dans les pays musulmans, il y a les musulmans, mais il n'y a pas l'islam. Dans le sens où il y a des musulmans, pas de souci. Mais c'est pas l'islam comme on veut le voir. Et en Occident, parce qu'il visitait beaucoup l'Occident dans les années 90, mais en Occident, il y a l'islam, mais il n'y a pas les musulmans. On ne cherchait pas de musulmans. Il n'y a pas un groupe. Il n'y a pas islam, hop, on voit un groupe comme ça devant. Les musulmans, ils sont tous soudés. On n'arrive pas à sentir qu'on est une famille, c'est vrai ou pas? On n'arrive pas, c'est difficile, on peut, mais c'est difficile. On doit se sentir ensemble, on doit se souder. Et ça veut dire qu'il faut savoir fermer les yeux. Il faut savoir patienter. Il faut savoir, encore une fois, parce qu'il faut savoir pourquoi on patiente. C'est ça. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Wa inna Allah yuhibbu as-sabirin. Wa inna Allah ma'a as-sabirin. Jaza'an bima sabara. Dieu est avec ceux qui patientent. Dieu aime les patients et les endurants. Et Dieu est avec ceux qui patientent et qui endurent. Et patiente, ta patience ne provient que de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu fais preuve de patience, les savants disent que si tu fais preuve de patience, c'est parce que c'est Dieu qui te l'a apporté. Et si tu veux faire preuve de patience, tu dois la demander à Dieu. Vous voyez, c'est deux chemins. C'est-à-dire que si tu arrives à patienter, alhamdoulilah, c'est que l'Allah est avec toi. C'est que tu es dans la bonne voie. Et si tu patientes, si tu cherches à patienter, tu dois demander à Allah azzawajal, et Dieu va te l'apporter. Donc il y a un véritable travail qui doit être mené. Et là, c'est un effort qu'on doit tous faire. C'est un travail qu'on doit tous faire. C'est d'ailleurs une des questions, je l'aborderai juste après. C'est un travail qu'on doit tous faire. Ce travail de il faut qu'on s'apprécie. Wallah, je vous assure, ça va pas aller si on n'arrive pas à s'aimer vraiment. Je dis bien s'aimer vraiment. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit, non? Hein? La yu'minu ahadukum. Oui, la yu'minu hatta tahabu. Vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous ne vous aimerez pas. Et vais-je vous indiquer, justement, un moyen par lequel vous allez vraiment vous aimer? Afshu salam alaykum. Saluez-vous. Vous savez, afshu salam, c'est pas salut. C'est pas ça, hein? C'est salam alaykum. Vous savez ce qu'on dit quand on dit salam alaykum? Que la paix soit sur toi. Mais hey, si on ne dit pas pour de vrai, innamal a'malu binniyat. On revient, hein? Innamal a'malu binniyat. Si vous dites salam alaykum et t'as le regard qui est froid, qui est fâché, et ou que t'as fait du bruit à côté, etc. Il faut salam, il faut le donner pour de vrai. C'est pas juste un souhait. Salam alaykum. Il faut que la personne, juste quand tu lui dis salam alaykum, elle sente qu'il y a de la paix qui vient d'être envoyée. À tel point que la personne, elle te dit quoi? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je crois que c'est des mots légers. Non. Juste pour appuyer ce que tu dis, il y a un mot en français. À tel point, le salam, l'importance du salam, il y a un mot en français qui explique ça. C'est salam alek. Oui. On parle en français de salam alek, c'est parce que c'est le salut des musulmans qui prend des heures et des heures et des heures. Dans le bord en Afrique, quoi, un arabe nous raconte en Afrique. Deux musulmans, ils se rencontrent et ils passent. C'est vrai. Ils passent toute la famille en revue, toute la tribu, etc. Et ça, c'est ça le salam. Et nous, on a oublié. On en parlera d'ailleurs, je pense, après, parce que c'est mais barakallahu fik. Non, c'est vrai, wallah, c'est des petites choses simples. Je vous assure que c'est que un cumul de petites choses simples, vraiment. Si vous avez des personnes qui viennent du même village ou de la même ville que vous, c'est normal que vous sentez des liens. C'est tout à fait normal, tout à fait normal. Comme vous, croyez-moi, vous qui vivez en Île-de-France, vous êtes sûr, hein, vous allez vous sentir étranger, même parmi les musulmans marseillais. C'est normal, vous ne vivez pas la même réalité, c'est normal. Mais l'important, c'est que l'identité première, c'est elle qui doit compter. C'est pour ça que j'ai dit principe d'identité, il faut qu'on se mette d'accord sur le principe d'identité. On est musulman ou on ne l'est pas? Et une, qui distribue les cartes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas vous. Tant qu'il y a quelqu'un en face de vous, et wallah, franchement, je sais que c'est pas facile, même celui qui vous parle des choses les plus graves en termes d'égarement, si la personne en face de vous, il vous dit qu'elle est musulmane, vous devez la considérer comme telle, vous n'avez pas le droit de dire autre chose. Après, sauf si les savants s'en mêlent, mais ça c'est les savants, c'est les savants. Ah, si ça vous intervient, vous dites non, lui, il n'est pas. Ah, bah, ça, c'est le savon. D'accord? Ça, c'est leur responsabilité. Et très lourde responsabilité. Mais ce n'est pas nous. On ne rentre pas comme ça, on donne les cartes. Comme disait l'imam Abu Hanifa, il disait, lorsque. C'était pour une question juridique, justement. Lorsque nous sommes confrontés à quelqu'un qui se déclare comme musulman, nous le considérons comme tel, jusqu'à sa mort, ou jusqu'à preuve du contraire. Même si dans son cœur, c'est tout le contraire. D'ailleurs, c'est ce que dit Allah Ta'ala dans le Coran, quand il parle des hypocrites. Allah lui dit quoi? Il dit, Dieu les connaît, toi tu ne les connais pas. Parce qu'il y a deux versions de l'histoire, enfin deux analyses de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants disent que le prophète connaissait les noms de tous les hypocrites. D'autres savants disent, non, non, il connaissait quelques-uns, les têtes, mais il ne les connaissait pas tous. Et il y a des gens, ils parlaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur parlait comme si c'était leur frère, comme si c'était ses compagnons. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, parce qu'on a parlé de quelqu'un qui... Ibn Salou, si je ne me trompe pas. Il a dit, qu'est-ce qu'on dirait, qu'est-ce que va dire les gens? Que le prophète tue ses compagnons? Le prophète n'a même pas osé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas osé le faire sortir. Alors que pourtant, Ibn Salou, il y est allé. Hein. Ibn Salou, il y est vraiment allé. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas, prendre cette possibilité de quitter. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qui se dit musulman, vous devez le considérer comme votre frère, même s'il est dans les pires des délires. L'important, c'est que c'est votre frère. Et que vous n'avez pas le droit de distribuer la carte de l'exclusion. C'est pas vous qui donnez les cartes, c'est pas un club, c'est pas un parti politique. Principe d'identité. Deuxième principe, principe d'altérité. Ça rejoint. Hein. Ceux qui ne sont pas musulmans, ce sont ceux qui sont négateurs. Donc attention de ne pas considérer quelqu'un qui est musulman comme étant un négateur. Vous comprenez le truc? Ça veut dire qu'il faut bien être clair à quoi on s'oppose. Nous, on s'oppose à ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Ceux qui sont opposés à nous, ceux qui ne reconnaissent pas la suprématie d'Allah. Mais opposition, ce n'est pas une opposition, c'est la guerre. Non, opposition de, ben, on n'est pas pareil. Quand vous lisez cette sourate, c'est pas fou? C'est évident, mais eux, ils m'ont dit. Moi, je n'adore pas ce que vous adorez. Là, c'est important pour nous. Attention, que ce que vous aimez et que ce que les autres aiment. Que ce que vous aimez et que les négateurs aiment. Et que ce que vous détestez et que les négateurs détestent. Parce que si vous avez trop de points communs avec eux, ça ne va pas. Dans ce sens de l'amour. Vous aimez trop les choses. Quand on aime trop les choses de ce bas monde, quand on aime les richesses, quand on aime trop son boulot. Trop, je dis bien trop. Il faut aimer son boulot, mais pas trop. Donc, principe d'opposition. De bien comprendre où sont les frontières et les limites. À partir de là, tout le monde fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas les mêmes cerveaux, nous n'avons pas les mêmes éducations, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes origines, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes pressions, nous n'avons pas les mêmes corps. Donc nous ne pouvons pas vivre l'islam de la même manière. Même si l'islam est un, mais très large. Il est plus grand que cette mosquée. Il est plus grand que la terre. Il est très large. Hein ? Quand on dit ça, et comprenez-moi bien, quand on dit ça, on n'est pas en train de dire c'est la fête, etc. Faites n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Parce que justement, Allah nous dit, non, il y a des choses claires qu'il faut faire et des choses claires qu'il ne faut pas faire. Mais, mastata'atum, c'est quoi? Vous êtes meilleur musulman que les autres? Considérez que celui que vous voyez comme étant différent, bah, il est dans une autre étape. Et vous ne savez pas vous dans quelle étape vous êtes. D'abord, débrouillez-vous de vous-même. Principe d'opposition. Principe de totalité. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Le projet, c'est qu'il y ait de l'ordre sur la terre. C'est ça le projet. Il faut qu'il y ait de l'ordre. C'est ça quand on dit que Kalimatullah est l'ulia. Que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est quoi que la parole d'Allah soit la plus haute? C'est que l'ordre règne. L'ordre. Que les choses soient ordonnées. Bien. Qu'il y ait un peu de paix. Qu'il y ait de la justice, surtout la justice. Comment un musulman peut entendre un hadith Qudsi où Allah Azza wa Jalla nous dit. Exact. Tu m'as deviné. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Comment un musulman, comment, moi c'est le truc qui m'a le plus intrigué ces 20 dernières années, franchement, comment Allah Azza wa Jalla a pu dire aux musulmans, à travers ce hadith Qudsi, ô fils d'Adam, je me suis interdit l'injustice. J'allais presque vous dire, juste le début du hadith suffit. N'est-ce pas? Juste le début du hadith suffit. Inni haramtu dhulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice. À votre avis, ça veut dire quoi? Si le créateur de l'univers s'interdit la justice, vous croyez que nous on a le droit? Nous on a le droit? C'est la fête? Quand je dis nous, les êtres humains? Comment les musulmans ont pu, comment, je le dis, comment les musulmans ont pu aussi longtemps accepter cette situation? Accepter l'injustice qui se répandre? Être même, nous-mêmes des acteurs de l'injustice, voilà, depuis le cas. Comment c'est possible? Comment c'est acceptable? Inni haramtu dhulma ala nafsi, fala tadhlama. Tu veux être sûr? Allah Ta'ala te l'affirme. Ne vous traitez aucunement avec injustice. Aucune injustice n'est acceptable pour un croyant. Aucune. Le projet, c'est quoi? Rétablir la justice. Rétablir la justice. Tout comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a promis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a promis. Tout comme la terre se remplira d'injustice. Eh oui. Eh oui, malheureusement, nous sommes des contemporains de cette situation. Hein? Tout comme la terre se remplit d'injustice. Franchement, cherchez bien. Dites-moi, trouvez-moi une cité. Trouvez-moi une ville sur Terre. Je vous mets au défi, faites la recherche. Une ville sur Terre où il n'y a pas de l'injustice. C'est terrible. Les choses changent. Alhamdulillah. Je le dis, les choses changent vraiment. Ces 2-3 dernières années, surtout ces 2 dernières années, les choses changent vraiment. Mais pour changer, ça demande du temps. Et que ça dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme la Terre a été remplie d'injustice, elle se remplira à nouveau de justice. Mais je vous le dis, hein, elle ne va pas se remplir de justice par le ciel. Hein. Parce que si ce n'était qu'une volonté divine, il n'y aurait pas d'injustice. Vous êtes d'accord? Donc c'est par la... Comment la justice est répandue? Par la main des hommes. Comment la justice va revenir? Par la main des hommes, grâce à Allah. Bien sûr. Et ça, c'est le petit élément que je signale pour toutes celles et ceux qui ont du mal à croire, alors ça c'est un problème de foi, hein, qui ont du mal à croire que la roue tourne. On croit trop que ceux qui sont puissants aujourd'hui, on dirait qu'ils vont rester tout le temps puissants. On le croit vraiment trop. On a du mal à croire que nos frères remportent des victoires dans certains endroits. On a du mal à y croire. Parce qu'on se dit, mais ils n'ont pas d'armes. Mais ils n'ont pas de puissance financière. Mais ils n'ont pas de grands états. Vous croyez que c'est ça? Si c'était ça, Badr, on l'aurait jamais gagné. Hein. La bataille de Badr, on l'aurait jamais gagné. C'est pas une question matérielle. C'est une question de force, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vrai? Je dis que c'est une question de force, ça c'est vrai. C'est une question de force. La vie sur Terre n'est qu'un rapport de force. Mais il n'y a pas que la force physique. Il n'y a pas que la force physique, il n'y a pas la rasa, que la rasa. Il y a la force spirituelle, celle qui déglingue tout. Quand vous êtes fort spirituellement, vous êtes intouchable. Quand vous êtes fort spirituellement, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais il faut être fort spirituellement. Et enfin, pour répondre à la question des groupes, on est fort spirituellement en groupe. J'ai dit quoi? Le verset de, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit quoi? Atouminu nabi bard al-kitab wa takfuru nabi bard. Oui? Comment on peut être musulman et faire comme si une sourate n'avait même pas été révélée? Vous savez, c'est quelle sourate? De quelle sourate dont je parle? Sourate Zumar. C'est quoi sourate Zumar? C'est le groupe. Les groupes. Les groupes, on est d'accord? C'est le groupe. Mais vous croyez que c'est que les groupes comme ça? Qu'est-ce qui est décrit dans cette sourate-là? Il est décrit quelque chose d'effrayant et de magnifique. D'effrayant et de magnifique. C'est qu'on rentre au paradis en groupe. Et on rentre en enfer en groupe. On rentre au paradis en groupe et on rentre en enfer en groupe. Il n'y a pas écrit tout seul. Je crois qu'il y a qu'Ibrahim alayhi salam à la limite, entre guillemets. Mais sinon, nous, c'est pas le projet. Le projet, c'est que soit de deux choses, soit vous rentrez en groupe. Ça veut dire quoi en groupe? C'est le groupe qui va rentrer au paradis. Non, en groupe. Vous comprenez la subtilité? C'est très particulier. Ça veut dire que même le jugement s'est déroulé de telle sorte qu'il a été nécessaire d'avoir le groupe. Vous comprenez ça? Le jugement, là, Hisab, a eu lieu avec le groupe. C'est que peut-être même que certains ont rattrapé les autres. Grâce au travail du groupe. Grâce au groupe. Tout comme certains se sont trouvés pervertir leurs actions à cause d'un groupe. Et clairement, la personne a fait « Non, moi je faisais des trucs bien. Non, non, non, on va appeler ton groupe. Quel groupe? Ah ouais, on va appeler ton groupe. Et moi j'ai... Si, si, t'as un groupe. Principe d'identité, d'opposition, totalité. Hein ?» Donc, pour terminer sur la question qui m'était posée, c'était justement... en plus, ça fait écho à une question que j'ai vue. Oui, voilà. C'est une question que j'avais derrière. Est-ce qu'un musulman peut-être être représenté par un élu d'une république qui prône des lois qui vont à l'encontre de celles d'Allah Azzawajal? En fait, c'est une question qui est encore plus large que même la question du juge de la démocratie. C'est qu'en fait, que ce soit dans une démocratie, ou dans une dictature, ou dans une tyrannie, ou dans une république soviétique, ce que vous voulez, quel que soit le pays, le système, la nation, le régime, les lois qui s'imposent sont celles des gens. Oui, moi je vous le dis, ce sont celles des gens. Les lois tyranniques des pays arabes, c'est celles des gens. Le peuple, il voulait. C'est le peuple qui voulait. Jusqu'à ce qu'à un moment, il a voulu le contraire. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Jusqu'à ce qu'il a voulu le contraire. Sha'b yurid. Le peuple, il veut. Ah, ben il était temps. Alhamdoulilah. Mais c'est pour vous dire. Parce que Shab Arad. Parce qu'au début, le peuple, il a voulu. Ça ne le dérangeait pas. Il y avait un gros taré qui était au pouvoir, un malade mental, ça ne le dérangeait pas. Il disait des trucs pires que la République ou la démocratie. On a eu des chefs de politique qui disaient des choses pires que qu'on critique nous dans la République française. Beaucoup, bien pire. Et on était là, on dormait. Tant qu'on a la radio, la télé, et qu'on a un petit travail, pour ceux qui en ont, puis pour les autres, tant qu'il y a un thé et un café, tout ira pour le mieux. C'est pas normal. Allah, c'est pas normal. Et donc, parce que, vous savez que les révoltes là qui ont eu lieu, les révolutions, c'est pas la première fois qu'il y a eu des révolutions dans les pays arabes. Il y a eu des révoltes dans les pays arabes avant, dans les années 70 et 80. Et vous savez, c'était quoi les révolutions d'avant? C'était pour le ventre. Oui, on les appelait les révoltes du pain. C'est honteux, Allah. Je vous dis la vérité, c'est honteux. Des musulmans, ils sortent dans la rue uniquement, on veut le pain. Alors qu'il y en a dans une terre, ils demandent le martyr. Ils disent, Allah, on veut le paradis. On y va, c'est par où? Donc, la question n'est pas de savoir par rapport à la représentation, dans quel système nous sommes ou dans quel régime nous sommes. La vraie question, c'est nous ne sommes gouvernés que par ceux que nous acceptons. Comprenez ça ? Ça veut dire en réalité que ce soit une démocratie ou pas, les lois qui s'appliquent, c'est celles du peuple. Mais, je reviens sur ma loi de départ, la loi du plus fort. Dans le peuple, il y a des peuples où tout peuple est fort. Par exemple, les peuples cultivés, éveillés, qui ont de l'argent, etc., qui ont tous une situation et qui sont investis politiquement. Mais il y a des sociétés, comme un peu la nôtre, où il n'y a qu'une petite partie du peuple qui est forte. Une petite partie. Et c'est elle qui décide. C'est normal. Vous croyez que les lois, par exemple, les lois françaises, vous croyez que les lois françaises, elles tombent du ciel ou elles tombent d'une cave? Ou vous croyez qu'ils jouent comme ça, ils ont un tableau, ils prennent des flèches, ils font « Allez, nouvelle loi ». Ben non. Les lois qu'ils appliquent, les lois qui sont les lois françaises que vous connaissez, sont des lois qui émanent du peuple. Parfois c'est tout le peuple, parfois c'est une partie du peuple. C'est souvent une partie du peuple. Et pas toujours celle qu'on veut. Hein ? Eh bien, les lois de ce pays, c'est qu'il n'y a qu'à nous, ça ne nous appartient de changer. Sauf si on considère qu'on est des fantômes ici. On est juste des fantômes, pardon, excusez-nous de déranger, on voudrait juste un peu respirer, c'est tout, et laissez-nous partir. Non, on n'est pas des fantômes ici. Et wallah, je le dis sincèrement, que nous soyons citoyens ou pas, nous avons un devoir ici. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure ? Si, je l'ai dit. Si, je l'ai dit. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Même quand on est juste un résident, on est étranger, on n'a pas la carte d'identité française, vous devez vous investir politiquement. Parce que vous êtes là, vous êtes là. Quand on est investir politiquement, comment ? D'une manière ou d'une autre, en sensibilisant, en faisant que vos enfants soient sensibilisés, que votre comité soit sensibilisé. Mais attention, parce que je sais que c'est toujours très difficile, c'est toujours très connoté, on a toujours ce problème. Ah, la politique. Oui, je vous le dis, parce qu'en plus c'est ma spécialité, la sociologie politique. La politique en elle-même est quelque chose qui est très très très malsain, quand on le prend comme ça. C'est très malsain. Pourquoi ? Parce que justement, la définition actuelle de la politique, je dis bien jusqu'à maintenant, moderne, c'est une définition de pouvoir. Or, le pouvoir n'appartient qu'à Allah, Azzawajal. Et si l'homme cherche à l'avoir, il ne fait que se corrompre. Hein ? Il ne fait que se corrompre. Le pouvoir, c'est qu'Allah, Azzawajal, qui l'a. Et vous savez, hein, malheureusement, chez les musulmans, on a une tradition, hein, de désobéissance dans ce cadre-là. Dès que les musulmans et les chefs des musulmans commençaient à s'appeler sultan, c'était pas bon. Hein. Ça sentait mauvais déjà dès le départ, dès même qu'ils s'appelaient Malik. Déjà ça, d'ailleurs, qu'est-ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Oui, et il nous dit quoi? Il dit, un nubuwa, satokafikum, hein, il va avoir la prophétie, puis ensuite, khilafa ala minhaj al-nubuwa. Une gouvernance selon le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite elle partira lorsque Dieu voudra que ça parte. Et qu'est-ce qui viendra après? Regardez, il fait une distinction. Comme le dit Ibn Khaldun, avec une très bonne analyse. Mulukun Ardout. Mulukun Ardout, ça veut dire des pouvoirs dynastiques. Et il restera le temps que Dieu voudra qu'il reste. On en a eu des dynasties. Hein. Les Ottomans, les Abbasides, les Omeyyades, les Mamelouks, les Fatimides, les ce que vous voulez, les Hafsides. Allez, on a eu tout. On l'a eu de l'Est jusqu'à l'Ouest. On les a tous eus. Dans des dynasties qui ont fait 5 siècles, 7 siècles, 10 siècles. Ouais, vraiment. Et ensuite, Dieu l'enlèvera lorsque Dieu voudra qu'il l'enlève, et viendra après Mulukun Jabriya. Mulukun Jabriya. Des pouvoirs, de la force. Dictature. Atatürk, Nasser, etc., etc., etc. Ça peut s'appeler un roi, ça peut s'appeler un président, ce que vous, ou un guide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ça restera le temps que Dieu voudra qu'il reste. Puis il l'enlèvera. Et viendra après, une gouvernance selon le modèle du prophète. Une gouvernance, ça veut dire une gouvernance, une lieutenance, comment on dirige les choses, une gestion selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut, et ce qu'Allah ta'ala veut. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce qui est vrai aujourd'hui peut facilement devenir faux demain. Et que ce qui est faux aujourd'hui peut devenir vrai demain. Et qu'en réalité, vous savez très bien, je le répète à nouveau, la loi qui existe, c'est la loi du plus fort. Dieu l'a laissé comme ça. Mais il a donné aux musulmans les moyens d'être les plus forts. Vous comprenez ? Il a donné aux musulmans les moyens d'être les plus forts. Mais qui prend ces moyens ? Hein ? Il y a des petits groupes comme ça qui tiennent. Mais quoi qu'il en soit, pour la France, il est impératif de s'investir dans la politique de ce pays. Impératif. Il est même impératif de changer même le nom de politique. Ce mot politique et toute sa connotation, on va le changer. C'est à nous de le changer. Nous, on considère que le pouvoir, il n'y a qu'Allah Razzawajal qui l'a. Et que nous, on considère que c'est responsabilité dont il s'agit. Que les maires des villes les députés, ce que vous voulez, même les chefs d'établissement, etc., qu'ils ne considèrent pas qu'ils ont le pouvoir, ils ont des responsabilités. Et qu'ils doivent rendre des comptes. Parce que, qu'on s'investisse ou pas dans la politique, ça ne changera pas, vous la subissez quand même. Vous la subissez quand même. Donc, ça commence, en tout cas, pour. Donc, je considère, oui, qu'absolument, il est important de s'investir en politique. Et encore une fois, pas la politique comme eux la voient. Vous comprenez ? On ne fait pas de la du politicien. La politique, comme disent certains. Hein, c'est ça ? On ne fait pas ça. C'est en réalité de la responsabilité. Remettre nous être responsables et rappeler les gens à leur responsabilité. Des fois, vous voyez, subhanallah, vous voyez les maires de certaines villes, ils se prennent pour des chefs, pour le souk du sultan. C'est des sultans. Hé, mon gars, t'es responsable, hein ? T'es juste responsable. Normalement, même, comme on dit en droit constitutionnel, il est l'exécutif. Je donne, tu exécutes. Pourquoi tu me parles comme si tu étais un roi ? Vous voyez ? Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas, cette mentalité. Et c'est le problème. On a même accepté d'être soumis à ça, c'est pas normal. Il faut s'investir, il faut agir sur ce plan-là. Il faut faire des actions qui soient concrètes et éducatives et prolongées dans le temps, pour que les choses changent. On est là, on est là. Allah SWT ne nous a pas rachetés ici. Allah SWT ne nous a pas rachetés ici. Nous sommes la plus grande communauté musulmane en dehors d'une terre musulmane dans le monde. C'est, en fait, en Occident, nous sommes la plus grande minorité musulmane. Nous sommes 10 à 12 millions. 10 à 12 millions. C'est des vrais chiffres. Hein. 10 à 12 millions. Oh, ils disent 6, oui. En fait, il y a 5 ans, ils disaient 6. Cette année, ils disent 2. Apparemment, je pense que peut-être l'année prochaine, on fera 1. Avec un peu de bol. Apparemment, on disparaît. On fond comme ça, on disparaît. On se dissout. Plus le temps passe et plus on se dissout. Non, c'est pas une blague, hein. Parce qu'en fait, ils utilisent des sondages. En réalité, non. Non. Nous sommes très, très nombreux. Trop nombreux. Même trop. Mais, justement, c'est pas normal. Rien que normalement, 10-12 millions, on doit juste voir la différence. En termes de. On doit voir 10-12 millions d'habitants en France qui se comportent différemment des gens en bien. Pas en mal. En bien. Or, force est de constater que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. On doit s'investir, c'est très important. Et par rapport aux lois d'Allah Ta'ala, c'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il y a un jeune homme qui allait voir le prophète et dit : Ya Rasulallah, c'est quoi le meilleur combat pour Allah ? C'est quoi le jihad ? C'est quoi le jihad fi sabilillah ? Que la parole d'Allah soit la plus haute. Vous voyez ce hadith-là, il est fort quand même. Que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est-à-dire quoi, ya Rasulallah ? La parole d'Allah n'est pas la plus haute ? Ah non, les êtres humains, ils se comportent souvent comme si la parole d'Allah n'était pas la plus haute. Et c'est à nous de bosser pour que les gens considèrent la parole d'Allah pour que ce soit la plus haute. C'est quoi la parole d'Allah ? La première, la justice. Rien que la justice. Rien que ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment travailler, et j'insiste beaucoup sur cette question-là. Attends, c'est question qui va avec. Comment gérer la place digne et particulièrement la salat dans un espace laïque qui ne laisse pas le temps même à l'obligation. En fait, oui, ça c'est vrai que la question de la salat, particulièrement, on l'a pas mal abordé sur ceux qui travaillent dans des métiers qui ne sont pas aménagés pour ça, et les étudiants, en particulier l'hiver, par exemple. Pour ce qui est de l'hiver, alhamdoulilah, on a nos savants qui nous ont beaucoup aidés là-dessus, du Conseil européen de la fatwa, qui nous ont dit hein, de regrouper nos prières, et qu'on entende bien. Attention, ce n'est pas une fatwa proprement dite. C'est un éclaircissement d'une position qui existe depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est important, ça. Parce que les gens, ils disent, c'est une fatwa, mais comment ça, ils peuvent jouer avec la religion. Hein, c'est vraiment une position depuis Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Abbas, qui a fait une conférence comme ça, il a regroupé la prière. Sahih Muslim. Hein. Il a regroupé les prières. Maghrib al-Isha. Parce qu'il faisait juste une intervention. Juste. Vous savez ce que c'est qu'une intervention d'Abdullah ibn Abbas. Donc, effectivement, il y a, alhamdoulilah, la question du regroupement qui est importante et qui est très utile. Très, très utile pour ceux qui travaillent. Mais parfois, c'est vrai, hein, parce que même pour ceux qui travaillent, qui ont des gros volumes horaires, surtout en une journée, en hiver, ça devient même le regroupement, c'est même plus possible. Hein. Le truc, c'est que je considère que normalement, vous avez malgré tout des espaces, mais qui ne sont pas des espaces dédiés. Par exemple, la pause déjeuner. La pause déjeuner est un espace dédié. À vous de gérer ça. Comment on le gère, il y a plusieurs manières. Je ne vais pas forcément aller dans les détails, parce qu'après, ça va quand même un peu dans le juridique, sur le fait que vous pouvez faire l'affaire assise, etc. Et tout, même des cas par rapport aux ablutions et tout. Je suis de ceux qui disent, je sais, ça peut paraître parfois choquant, je suis ceux qui disent que dans certains métiers, il faut apprécier la situation avec le patron, quand on n'est pas patron. Car je considère que la porte est toujours ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de demander. Les pauses clopes, elles se sont imposées parce que tout le monde fume. Ah oui, à un moment vous faites quoi? Vous virez tout le monde? Il fume. Même le patron fume. Eh bien, à nous d'avoir l'intelligence, c'est pas facile. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est juste. Mais moi, je peux vous témoigner que plusieurs personnes, de nombreuses personnes m'ont témoigné qu'ils ont demandé à leur patron. Et 5 minutes, c'est plus court qu'une pause clope. Parce que c'est jamais 5 minutes une pause clope. Vous savez. Eh bien, il y a un petit endroit dans le bureau, il y a un petit endroit dans le magasin, un petit endroit dans je sais pas quoi. Je prends le temps, je dérange personne, tranquille, tu me laisses faire ma prière. Vous faites ça en discret, vous demandez à votre patron discrètement. C'est pas, prenez une pancarte, je vais faire ma prière et tout. Non, non. Là, vous allez faire virer, c'est pas la peine. D'accord? Donc, ça c'est important, mais il faut prendre au sérieux la place de la salat. Il faut la prendre vraiment au sérieux. C'est pas quelque chose qu'on met de côté. Ce n'est pas facile. Je le dis encore une fois, je le répète, ce n'est vraiment pas facile, mais elle doit vraiment, vraiment, vraiment avoir sa place. Avec cet impératif, parce que l'idéal c'est de ne pas regrouper, en réalité. L'idée, c'est de ne pas regrouper parce qu'il faut faire sa prière dans son temps. Dans le sens où on sent que sa prière, on la fait vraiment au bon moment. Si le dorge est à l'heure de dorge, ce n'est pas pour rien. Mais malgré tout, il y a des aménagements. Il faut donner cette place. Il faut montrer que c'est précieux à vos yeux. Vous comprenez? Ce n'est pas un secret, la prière. Ce n'est pas un secret. Il y a un grand savant, il disait que si Dieu a voulu qu'on fasse des gestes, c'est gênant comme geste en plus, hein. On peut pas faire n'importe où, hein. Se prosterner, s'acquitter, c'est gênant, on prend de la place quelque part. Si Dieu a voulu que nos gestes soient trop visibles, soient trop marquants et marqués pendant la prière, c'est précisément pour que ce soit visible. Même en groupe, c'est encore plus visible. Donc, il faut pas ni avoir honte, ni trop la considérer comme un secret. Il y a des contextes où il faut le cacher. C'est normal, il y a des métiers, encore plus, par exemple, la fonction publique, c'est même pas la peine. La fonction publique, c'est même pas la peine. Ça, c'est clair. Parce que là, il y a une croisade. La fonction publique. Hein. Mais. Ouais, clairement. Mais comment dans le domaine du privé, tant que ça reste discret et que vous faites ça et que vous sentez bien le patron, le responsable, hein, tant que les patrons ne sont pas des musulmans, eh oui. Ça aussi. Hein. On a les cadres qu'on a. Hein. Quand les musulmans seront tous des cadres et responsables, alhamdoulilah, il y a un vrai phénomène, alhamdoulilah, de toute façon, je le vois, même à la fac, etc. Mais c'est une réalité, il faut composer avec. Donc en tout cas, la pause de la prière est vraiment importante par rapport à ça, et je crois que c'est une dernière question. Là, on y arrive. Oui. Et donc, je fais directement la traduction, parce que ça va écrire en arabe. Est-ce que je ne pense pas que c'est prioritaire de revenir à notre communauté et de s'occuper de son éducation avant de commencer ou de songer à faire le travail de da'wah, de transmission. En réalité, il y a effectivement cette phrase emblématique qui dit "Islah nafsek wad'u ghayrak." C'est réforme-toi et ensuite tu appelles les gens. Mais certains savants disent, c'est pas ensuite. Voilà. C'est Islah nafsek, c'est réforme-toi et en même temps, transmets aux gens. Parce que lorsque tu transmets, tu t'éduques. Et la seule manière d'éprouver ton éducation, c'est de transmettre. C'est pas de rester dans un ermitage fermé, dans une grotte, et alhamdoulilah, t'es magnifique, t'es pur. Non. Tu vas vraiment évaluer ta pureté lorsque tu vas être confronté à la réalité, à la dure réalité. Il y a cette magnifique image. Une magnifique image que c'est Dieu qui nous apporte cette image-là. Vous regardez une plage où il y a des galets. C'était quoi les galets avant? C'était des pierres, grosses pierres, toutes brutes, qui pouvaient même vous trancher, même vous couper. Très brutes. C'est quoi le principe des galets? C'est que ces pierres-là, ces cailloux, ont été transportés par l'eau. Aller-retour. Et ces pierres-là se sont entrechoquées. Vous savez que c'est ça un galet, hein? Et ainsi de suite, du temps, pour qu'à la fin on ait des galets merveilleux, tout lisse. On pourrait passer la peau dessus, ça fait limite du bien. Bah d'ailleurs, même on l'utilise, je crois, dans les spas et compagnie. Là. Hein? Ah, c'est vrai, les galets, là, notamment, c'est doux. Mais c'est ça notre fraternité, l'épreuve de notre fraternité. C'est véritablement ça. Donc, mais en tout cas, oui, c'est pour dire que, c'est pour souligner que oui, il faut faire un travail dans notre communauté. Et oui, il faut revenir à notre communauté. Pas repli communautaire comme disent les médias. Hein, c'est un repli communautaire. Ils se replient sur eux-mêmes. On devrait faire une limite repli stratégique pour qu'on attaque. Ils se replient. Ils sont en train de former, ils sont en formation. Si seulement c'était vrai. C'est qu'en réalité, il faut revenir à notre famille. Il faut revenir à notre groupe. Il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord sur le projet? Est-ce qu'on est tous d'accord que c'est la justice qu'il faut qu'on applique? Est-ce qu'on est d'accord qu'on veut sauver nos enfants et les enfants des autres? Parce que nous voulons le bien pour tout le monde. Comment on peut dire qu'on est d'authentiques musulmans si on veut le mal pour des humains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des doigts pour des koufars. À tel point que même des fois, Allah ta'ala lui a demandé de s'arrêter sur certaines personnes. Il dit non, ceux-là arrêtent de faire des doigts pour eux. Vous vous rendez compte? Nous, même pour nos frères, on n'en fait pas des doigts. Combien de khutbah de Jum'ah dans certaines mosquées, soit en Ile-de-France ou ailleurs, où j'ai vu des humains qui ils font juste des khutbah pour que la mosquée soit construite. Et à la fin, la communauté, rien. Non, tout va bien dans la communauté, il n'y a pas de souci. Je vous le jure, je vous le dis, moi, sincèrement, je suis choqué. Quand je sors d'une khutbah comme ça, d'une doigt, je suis choqué. Comme si, alhamdoulilah, on n'a rien. On a juste des mosquées à construire. Non. Et construire la Ummah comme ça me permet même de faire cette conclusion sur tout ce qu'on a dit ce soir. C'est que c'est une manière qu'on ne la connaît pas tout le temps. Pour, je vous ai dit le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous ne vous aimez pas. Et vous ne vous aimerez vraiment pas tant que vous ne transmettez pas le salam, le vrai. Tant que vous ne transmettez pas la paix et la salutation sincère les uns les autres. Et il y a une manière de prouver que vous transmettez une paix sincère. Il y a une preuve, une seule. Moi, pour moi, il n'y en a qu'une seule. Je veux dire, c'est laquelle? C'est ce que vous êtes capable de faire de doigts pour vos frères. Des fois, c'est facile de faire des doigts pour la Birmanie. Vous ne les avez jamais vus, les Birmans. Excusez-moi, mais c'est vrai. Vous ne les avez jamais vus, les Birmans. Donc c'est vrai. C'est des numéros, des noms. Excusez-moi. Après, bien sûr, il y a les émotions. Enfin, il y a la sincérité de défendre nos frères. Attention, je ne remets pas ça en cause. Mais pour vous dire que, alhamdoulilah, et il faut faire des doigts pour nos frères en Birmanie. Attention. Mais c'est anonyme. C'est ça que je veux dire. C'est anonyme. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez ni leur nom, ni leur... Et même si, alhamdoulilah, il y a des journalistes qui essaient de montrer la réalité là-bas, mais est-ce que vous êtes capable de faire les doigts pour celui qui est juste à côté de vous, à la mosquée ça fait depuis un an, il vous saoule parce qu'il a toujours une manière bizarre de faire sa prière ou de se tenir à côté de vous, ou je ne sais quoi. Hein? Est-ce que vous faites des doigts pour vos frères ça? C'est vrai. On défend ça, on n'est même pas capable. Rien que sentir qu'on n'est pas capable de faire ça, c'est grave. Parce qu'on est loin du hadith. Et si on est loin du hadith, eh ben on est loin de quoi? Amen. Ah non, c'est pas bon. Et je vous dis, c'est pas facile. Un de mes enseignants me disait, il était en association, ce sont des étudiants, et il disait que lorsqu'on avait un conflit entre nous, on faisait tout, on faisait en sorte de prier côte à côte et de se coller pour sentir que cette prière-là, elle supprime, elle efface l'opposition qui est entre nous et le bord. Voilà, t'as fait qu'olubina, rillan lilladina amen. Et ya Allah, ne fasse pas inscrire dans nos cœurs et nos poitrines une quelconque rancune, rancœur ou haine envers ceux qui croient. Donc si on veut traduire dans les faits notre umma, notre groupe, notre communauté, notre da'wa, c'est de faire un vrai travail sur soi. Wallah, c'est pas facile. Vous voyez, certains diront que, à travers tout ce que je dis, j'ai pas été très concret. Wallah, c'est plus concret en fait. Mais c'est parce que c'est le plus difficile, vu qu'il est à l'intérieur, il est là-dedans. Et je termine sur cette chose-là de. Parce que c'était une magnifique question justement sur la question des priorités. Et ce travail éducatif, on doit tous le mener. Et on doit considérer que chacun d'entre nous doit s'éduquer. Chacun d'entre nous doit s'éduquer. Et ne jamais se considérer les uns supérieurs aux autres. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. Inna akramakum 'indallah atqakum. Or, le problème, c'est que taqwa, vous ne pouvez pas la regarder. Moi, j'ai pas de détecteur de taqwa. Hein, j'ai pas. Un récepteur ou un calibreur de taqwa. Le taqwa, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-dedans. Et il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui connaît ce qui se trouve dans les poitrines. Donc, vous devez vous considérer comme étant en dessous de tout le monde. Et si tous les musulmans se considéraient en dessous, dans le même étage, on se retrouvera tous ensemble. Hein? Ah oui, pas. C'est ça aussi. Si on se considère tous en bas, et bien à la fin, on sera tous en bas. Dans les cœurs. Et à la fin, en fait, on sera élevé. Car qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui... Voilà, celui qui descend comme ça, qui descend. Pour Allah Azzawajal, qui descend. Après, il dit, ça veut dire quoi? Je m'humilie? Hagra, c'est ça, je vais laisser avoir? Non, non, non. Accepte. Ravale ta fierté. Descends. Celui qui descend comme ça, Allah Azzawajal l'élève comme ça. Nous, on doit tous s'écraser un peu. Oh, les musulmans. Attends, doucement. Écrasez-vous un petit peu dans vos égos, dans vos fiertés, dans vos égoïsmes. Et Allah Ta'ala va vous élever dans vos esprits, dans vos consciences et votre communauté, votre fraternité. Et c'est comme ça qu'on réalisera les grandes choses. C'est vraiment comme ça qu'on réalisera les grandes choses. Allah vous développer. Donc là, on est obligé de se retrouver avec les questions juridiques. Et je pense que le frère Hamza, il était piégé en quelque sorte. Il a répondu à la question, la prière est-elle autorisée dans les lieux de travail sans l'autorisation de son patron? Donc il a déjà, t'as déjà donné une réponse par rapport à la prière. Donc il a bien détaillé qu'il y a déjà un détail juridique qu'il ne faut pas l'oublier. C'est Hadith Abdullah ibn Abbas, dans lequel il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé les deux prières tout en étant à Médine, pas en voyage, il ne pleuvait pas. Et c'est la fatwa qui la plupart des majami' européens donnent à ceux qui travaillent, c'est-à-dire puisqu'ils ne peuvent pas adapter une heure de prière précise pour toutes les prières, donc ils ont à regrouper Dhuhr et l'Asr et Maghrib et Isha. Maintenant, l'autorisation de son patron, il a déjà répondu, le frère Hamza, donc il y a toujours un dialogue à faire. Si par contre il n'y a pas de moyen, donc il y a toujours une pause, il faut toujours trouver une solution. Pas uniquement dans halal haram, il faut aussi connaître le contexte pour pouvoir. Parce qu'il y a certains frères, ils croient que l'imam il est dans son travail pour pouvoir répondre. Voilà, donc c'est toi de voir. C'est-à-dire en quelque sorte, certains musulmans ils croient que la solution c'est halal haram. Aussi, il ne faut pas être un imbécile. Donc c'est celui qui trouve un moyen pour fumer une clope, donc là alors c'est marqué interdit de fumer. Donc je pense que toi c'est facile pour toi de trouver un moyen pour faire la prière si tu arrives à trouver un temps. Donc ça c'est par rapport. Une deuxième question, je ne sais pas si tu veux répondre. Hal yajuzu lil mar'ati al ha'id al hudur fi majlis al hadith? Oui. Voilà, donc est-il permis de pour la sœur qui ont monstru d'être présente dans une assemblée pareille, dans majlis al hadith, dans un cours ou disons conférence? Donc le frère Hamza il me disait que c'est permis. Moi je rajoute encore plus, il y a une divergence autour de ça. Parce qu'il y a deux hadiths. Il y a le hadith de Aïcha radiallahu anha, où dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui donner le khumra, c'est-à-dire c'était un tissu qu'on met sur la tête, khumra, ça vient de couverture. Donc elle n'a pas voulu donner le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en introduisant sa main dans la mosquée, elle a dit, enfin je suis ha'id, je suis en état de monstrueux, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laissat haïdatu kifi yadik, c'est-à-dire ton monstrueux, il n'est pas dans tes mains. Voilà. Voilà. Il y a un deuxième hadith qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'autorisait pas sa mosquée, et pour quelqu'un au janaba, c'est-à-dire quelqu'un qui est en état d'impureté, ou une femme en monstrueux. Donc, en vérité, la divergence, ça vient de ces deux hadiths contradictoires. Certains, ils ont en quelque sorte favorisé l'interdiction, en disant que c'était le hadith qui prend le dessus, parce que c'est une précision, c'est une généralité, et ça, c'était un cas où Aïcha radiallahu anha devait juste rentrer sa main. Donc, à partir de là, ils ont interdit. Et certains, ils ont autorisé. Donc, ils ont autorisé pleinement. Certains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de regrouper les deux sens en disant, la règle de base, si une femme, elle ne vient pas à la mosquée juste pour s'amuser ou bien juste comme ça, elle vient pour assister au salat al-jumu'ah, c'est-à-dire s'il n'y a pas de nécessité. Mais s'il y a un cours vraiment nécessaire où elle a besoin, vraiment, ce cours, il n'est pas transmis, il n'est pas enregistré et tout, elle est obligée. En plus, par exemple, là, elle vient. C'est-à-dire, ou bien, par exemple, pour les sœurs qui enseignent dans cette mosquée, par exemple. Elle enseigne dans cette mosquée. Ou bien, voilà, donc ils disent que c'est autorisé. Autorisé, c'est-à-dire par nécessité, quoi. C'est pas. Donc il y a une divergence. À partir de cette divergence, donc la fatwa qu'on peut adopter, s'il y a vraiment une nécessité, on vient. S'il n'y a pas de nécessité, on reste sur. Parce que ne pas priver les sœurs de la mosquée et d'une, aussi ne pas autoriser qu'il y ait des choses qui n'étaient pas autorisées. Donc c'est ça la règle. Une question, je pense. Ma question est de savoir si un croyant qui fait consciemment des péchés, en sachant que c'est pas bon pendant des années, est-ce qu'elle est peut-être pardonnée par Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne? C'est une magnifique question. J'oserais presque dire de voir qui ne se sent pas concerné par cette question. la vérité, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a du repentir. Non ? Tant qu'il y a de la vie, tu peux te repentir. Donc, tant qu'il y a du repentir, il y a de l'espoir. Et surtout, tant qu'il y a repentir, il y a pardon. L'idée, c'est qu'en réalité, beaucoup, beaucoup de gens, nous sommes trop nombreux à commettre des péchés, on sait très bien que c'est pas bon. C'est ça, que le contrat pas. Ça ? Non ? Vous êtes tous des pécheurs, ben oui. Ben, c'est parce qu'à un moment, on le sait quand même. Après, il y a des gros péchés, etc. On est tous d'accord. Le repentir, tant que la personne demande à Allah Ta'ala pardon, elle sera pardonnée. Tant que la personne demande à Allah Azzawajal pardon, elle sera pardonnée. C'est d'ailleurs pour ça que l'une des plus grandes causes que nous devons mener auprès de nos frères et de nos sœurs, c'est de les amener au pardon, et non pas de les amener à arrêter le péché. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire un péché, mais vous pouvez l'amener à se faire pardonner. Vous savez pourquoi je dis ça ? Regardez sur le Nuh. Astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. C'est ça qu'il a dit Nuh alayhi salam à son peuple. Son peuple, il adorait les idoles. Il leur a dit, demandez à Dieu pardon. Innahu kana ghaffara. Il est pardonneur. En fait, vous devez faire aimer le pardon à celui qui est dans le péché. Et non pas lui faire détester le péché, vous n'allez pas y arriver. C'est parce que s'il détestait le péché, il ne le ferait pas. Donc, tant qu'il y a de la vie, tant qu'on est encore vivant, on peut demander à Dieu pardon. Eh bien, quand on demande à Dieu pardon, on est pardonné. Ça, c'est une règle. Ça, c'est une règle. On peut pas la négocier. On peut pas la diminuer. Mais, il faut... On ne sait pas combien de temps on vit. Moi, je ne sais pas si ce soir, je vais le passer entièrement. Je ne sais pas si demain matin, je serai là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque et nous dit, demandez à Dieu pardon tous les jours, plus de 70 fois, plus de 100 fois, selon des riwayettes. On doit demander à Dieu pardon tout le temps. Et la meilleure manière d'apprendre aux gens à demander pardon, c'est de nous demander pardon. Et de ne pas être fier aussi. Ça aussi, hein. Ça paraît bête, hein, mais des fois, mais il faut demander aux gens pardon. Pardon, excuse-moi. C'est dur, ces mots magiques. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. J'ai trop du mal. Oh, je t'excuse pas. Hein ? On est dans notre droit. Non, il faut apprendre. Même si vous êtes dans vos droits, vous dites pardon. Et ça, vous l'emporterez au paradis. Ça, vous l'emporterez au paradis. Mais le contraire, ça, c'est le contraire qui peut se passer. Donc, le contraire, c'est le contraire qui peut se passer. Donc, non, si quelqu'un fait consciemment des péchés, et si on voit que quelqu'un fait consciemment des péchés, il faut faire des doigts pour lui. Il faut invoquer Dieu pour lui. Pas des doigts contre lui. Hein. Non, qu'il meure dans cet état. Non, il faut faire des doigts pour que Dieu le pardonne et qu'il le guide. Très sincèrement. Et demander à Dieu, et demander nous-mêmes à Dieu pardon. Et dire à la personne, t'inquiète pas, tant que tu demandes à Dieu pardon, il t'effacera tout. Même si ça a l'air facile. Non, non, tu demandes à Dieu pardon sincèrement, il t'effacera tout. Mais il faut que tu demandes ça sincèrement, et que tu arrêtes, c'est vrai. Vous voyez ? Donc ne jamais désespérer du pardon de Dieu, et surtout, surtout, ne jamais faire désespérer du pardon de Dieu. Jamais. Jamais faire ça. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. En droit. On dit quoi des gens bon, qui nous insultent? Bon, ça, c'est pas grave, nous sommes des musulmans. On est pas comme ça. Les Français, pas comme ça. Non, mais je m'en. Et les Français qui insultent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement comme ça. Et nous, les musulmans, on regarde et on sait, il est où? Il fait quoi? Et il nous fait quoi? On fait quoi de ça? On lui dit pardon? Oui, il a khatabu hum jahiloun. Je comprends parfaitement la question, et d'ailleurs pour traduire, hein, c'est important de toujours traduire, quand on dit, et lorsque les ignorants les interpellent ou leur parlent ou leur interjettent quelque chose, ils disent salam, ou même d'ailleurs dans un autre verset, maroukiram, hein, lorsque les ignorants leur parlent, les ignorants, c'est quoi un ignorant? C'est un imbécile, quelqu'un qui vous dit n'importe quoi. D'accord? Maroukiram, on passe tranquille, ne te casse pas la tête, pourquoi tu te prends la tête? Mais la question que tu poses, mon frère, c'est effectivement si quelqu'un insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'oserais presque dire que, bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, mais plutôt sur l'autre terrain, rapidement, c'est qu'en fait, tout simplement, moi, ce qui me préoccupe le plus, sans évacuer ce que tu viens de dire, ce qui me préoccupe le plus, c'est quand c'est nous, les musulmans, qui insultons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quelle est la pire chose que le prophète, il lui dit, fais ça, et là, tu regardes comme ça, fais, d'accord. et après tu le fais pas. Ou des fois tu dis, non, j'ai pas envie de le faire. Non, ça m'intéresse pas. C'est ce qu'on fait. Quand on ne fait pas ce qu'il nous demande, c'est ce qu'on fait. Quand il nous dit, vous devez vous aimer, vous devez être unis, ce que je viens de dire, si on constate que c'est pas le cas, alors on n'est pas en train de le respecter. Et on est en train de se moquer de lui, subhanallah. On est en train de se moquer du prophète. Et là, regardez, c'est très simple. Il n'y a pas pire insulte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et est-ce que taslim. C'est lorsque les gens, ils se penchent sur les musulmans, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui suivent le prophète, les supporters du prophète, les fidèles du prophète, ses enfants, si on peut dire. Ils regardent quoi, ils font Ouh là là. C'est quoi ces mecs? C'est quoi ces gens? Si les gens, il suffit qu'ils voient ça et ils se disent ça, on est en train d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa la. Et on doit impérativement corriger ça. C'est la pire des choses qu'on doit. Alors que là, quand on regarde les compagnons, maintenant l'attitude, on voit l'attitude des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a empêché beaucoup de ses compagnons d'intervenir dans de nombreuses reprises. À la période mécoise comme à la période médinoise. Hein. Période mécoise faible, période médinoise forte. Hein, comme le fou, là, le dingue, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, taqillah. Ouais, crains Dieu. Mais il s'est pris pour un malade. Taqillah. Khalid ibn Walid, il y avait le reflet de la lumière sur son épée là qui est en train de. Ça, il était prêt à partir. Sauf que il est éduqué. Et un jour là, je peux lui décevoir de sa tête, de son corps. Je peux. Non ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il retient l'épée. C'est pas la solution. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. C'est que en réalité, parce qu'il faut pousser, ceux qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est des koufars. C'est parce qu'ils sont koufars qu'ils font ça. Mais d'accord, parce qu'ils sont négateurs, ils ne connaissent pas l'islam. Qu'est-ce qu'il y a comme principe ? La ikrah fi din. On va pas les forcer à devenir croyants. S'ils ne sont pas croyants, au mieux, ils sont indifférents de ce que je crois. Au pire, ils détestent ce que je crois. Je vais pas le forcer à aimer. Alors tu vas me dire après, il faut qu'ils respectent. Ah, le respect, ça s'impose. Le respect, c'est pas je l'impose, ça s'impose. Hein? Aujourd'hui, on ne respecte que celui qui est fort. Je reviens sur ma question de force. Mais fort, pas physiquement, fort dans ses valeurs. Fort dans ses valeurs. Et le meilleur travail qu'on puisse faire, c'est lorsque demain, c'est des non-musulmans qui défendront le prophète. C'est des non-musulmans qui défendront le prophète. Qui diront, mais vous n'avez pas le droit de dire ça sur le prophète de l'islam. Vous ne pouvez pas parler comme ça d'un homme qui a changé le monde. Vous ne pouvez pas parler comme ça de leader d'une communauté qui rayonne dans le monde. D'une communauté qui porte en elle des savants, des gens pieux, des gens doux, des gens propres, des gens cultivés, des gens éduqués, des enfants qui sont merveilleux, une science qui est poussée, etc. etc. Ah oui. Pour qu'on protège le prophète, il faut qu'on le protège pour de vrai. Je ne vais pas le protéger avec un siwak. Hein. Je vais le taper comme ça, je vais envoyer des postillons. Ah non. Pour protéger le prophète sans masse, il faut un vrai bouclier qui soit digne de son nom. Hein. On doit faire les choses avec excellence. Pour protéger le prophète sans masse, de toute façon, il n'a pas besoin d'être protégé. Hein. Vous savez ça. Vous savez par qui il est protégé, alayhi salam. Je rappellerai cette magnifique anecdote. De l'époque du prophète, hein. La femme de son oncle, celle qu'on appelle Oumjamil, que même certains ont une première. Bref, la femme de Abu Lahab, Umra'atuhu, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle avait la haine. Elle était en mode haine 100% total. Wallahi, c'est rien par rapport. Ce que nous on connaît en France aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qu'elle concevait comme haine. Elle toute seule comme une grande, elle avait une haine de dingue, mais de dingue. Toutes les pires choses qu'elle pouvait penser contre le prophète, sans le lancer même, elle le faisait. Elle a fait un poème qui se moque du prophète. Mais un poème très injurieux. Très injurieux. Pour les Arabes, c'est pas bon. Et le problème, c'est qu'elle voulait tellement faire ce poème-là, et donc vous savez, parce qu'elle se dit, il faut que je fasse les pires insultes, que je l'humilie le plus possible. Mais vous savez, quand vous faites un poème, il faut respecter un minimum de règles, c'est-à-dire la rime. Donc, les mots crapuleux qu'elle a voulu trouver étaient tels qu'il fallait qu'elle change quelque chose d'important dans le poème pour que ça puisse passer. Le nom du prophète. Elle fait mon dame même. Elle l'appelait mon dame même. Et là, le poème a commencé à se répandre. Et là, les compagnons, comme toi mon frère, comme nous tous, énervés. C'est normal, hey, c'est notre père, c'est notre frère, c'est notre chair, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et il va voir le prophète, Ya Rasulallah, fait quelque chose, que, comment, qu'est-ce qu'on fait, enfin, c'est insupportable. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, les gens ont sadaqallah, mais justement, moi je prends les exemples. Je parle des responsables, oui. Ils sont aussi, mais moi, je soit disons, ils sont directeurs, je sais pas quoi, en islam. Moi je prends mes modèles, sahaba, justement. Ils ont fait ça sur les voies, y'a Rasulallah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont éduqués, qu'est-ce qu'on fait? On lui casse les dents, mais qu'est-ce qu'on brûle sa maison? Non mais, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, il peut avoir plein d'idées. On lui met des pics, bref. On brûle son consulat. Voilà, hein, on brûle son consulat, exactement. On brûle le drapeau. Les gens ont fait une caricature sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant qu'il est violent. Et nous, on réagit comment? Avec la violence. Bravo. Génial, champion du monde. On est des champions du monde. Oh, je suis pas violent. Magnifique ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un, on lui dit t'es violent. Il met une droite pour dire qu'il est pas violent. C'est où ça? Et donc, les compagnons sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont tous choqués. Le prophète, il sourit. Mais un sourire comme ça. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Et un son là, elle t'injurie. Il dit, ah non, non, non. Et écoute bien ce qu'elle a dit. Écoutez bien ce qu'il a dit. Dieu m'a préservé. Dieu m'a préservé. Elle insulte mon dame maman wa ana Muhammad. Les caricatures, c'est des caricatures sur qui? Sur Mahomet, pas sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous rendez compte? L'un des pays où on attaque le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont changé son nom. Ils l'ont appelé Mahomet. Moi, Mahomet, je le connais pas. Je sais pas c'est qui Mahomet. Il n'a pas existé peut-être même. Il n'a pas existé de toute façon. Moi, c'est Mohammed ibn Abdullah. Allez, afdal salatu wa salam. Vous voyez? Il n'a pas besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin qu'on le protège. Mais nous, on a besoin de Dieu et on a besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour s'agripper à lui. Tu vois? Donc voilà un petit peu sur le. Il faut être positif, il faut construire. Pas chercher, il faut construire et avancer. On a beaucoup de choses encore à faire. Allahu alayhi wa tawfiq. Inch'Allah, on ne va pas tarder, barakallahu fikoum, pour avoir assisté pour le frère Hamza avec tout ce qu'il nous a dit. Inch'Allah, c'était très important. C'est-à-dire, il y a des sens qu'on connaissait, peut-être juste le sens superficiel, par exemple de la prière de Jama'a. C'est-à-dire, on a su maintenant que la prière de Jama'a aussi, ça veut dire aussi. Consolider nos liens, qui est plus important. Et je pense que ça répond même à la question du frère, c'est-à-dire la question sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est insulté. Il y a beaucoup de savants qui ont dit plutôt c'est l'insulte ou bien c'est le mauvais comportement qu'on peut avoir nous pour représenter le dîn qui peut être peut-être plus grave que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne la vie pour revenir nous voir. Peut-être on va avoir plus honte de l'avoir trahi dans notre comportement que de l'avoir trahi dans la défense contre une caricature ou la contre. Parce qu'il y aura toujours, regardez, depuis le temps, depuis Oumou Jamil, jusqu'à Salman Rushdie, en passant par les caricatures danoises, en passant par tout ce qui va se faire, les films et tout, c'est-à-dire il va avoir. Il faut aussi qu'on nous ne soit pas dans ce qu'il appelle Pavlov le réflexe conditionné. C'est-à-dire maintenant ils savent que. S'ils veulent, par exemple, ils veulent semer la zizanie dans un pays comme Tunisie ou la Libye ou là, c'est fragile. Alors on envoie un film, les musulmans ils vont brûler les drapeaux, ils vont faire n'importe quoi et tout. Donc, c'est pour cela il y a aussi des réactions. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec le frère qu'on ne reste pas indifférent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais alhamdoulilah, depuis le temps, il y a eu des livres qui s'étaient traduits, par exemple, par rapport à la vie du prophète Assassin. Par exemple, la communauté musulmane en Angleterre, ils ont fait un bon travail en distribuant des livres, enfin la biographie du prophète, ça c'était très important. Donc ça c'est d'une. Deuxièmement, je voulais revenir juste à la question de Taouba. Le frère, mashallah, il a bien détaillé, le frère Hamza, c'est pas pour rattraper, mais c'est juste pour le fait qu'il lui a dit une chose très importante, c'est pas de dire voir le péché, plutôt voir ou bien ouvrir la porte de pardon. Et ça on le voit clair avec le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Huraira, Sahihain, celui qui a tué les 99 bonhommes. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne ça comme un modèle. Le bonhomme qui a tué 99 bonhommes, à un moment donné, il s'est senti, pour avoir tué 99 bonhommes, je ne pense pas qu'il était inconscient, il devait être super conscient. Mais il a tué les 99 bonhommes, il a demandé s'il y a quelqu'un pour lui trouver une solution. On lui a montré un homme, mais ce n'était pas un savant, c'était un rahib, un rabbin. Donc il est parti le voir pour lui dire que j'ai tué 99 bonhommes. Vu que l'homme, mashallah, il est pieux et tout, donc il a vu la gravité de péché, il a dit, avec 99 péchés, 99 âmes que tu as tuées, je ne pense pas qu'il y a un moyen pour te repentir, c'est-à-dire, il n'y a pas de solution. Le bonhomme, donc, en voyant que lui, enfin, vers lequel il est parti pour trouver un espoir, il le désespère, et il ne s'est pas retenu. Ah, galo, puisqu'il n'y a pas d'espoir. Donc, tiens, attends, on te compte parmi les 99, ce sera le centième. En même temps, il a eu toujours ce sentiment pour vouloir se repentir. Là, cette fois-ci, il a interrogé les gens. Fadulla ala alim. On lui a montré un savant. Et la différence entre le rabbin et le savant, c'est que le savant, comme disait frère Hamza, il lui a donné l'espoir. Il lui a dit la première question, quand il a posé, il a dit wa man yamna'uka min at-tawba. Qui peut t'empêcher de te repentir? C'est-à-dire, le repentir, il ne m'appartient pas à moi, il ne m'appartient à personne. Il est là, il est toujours ouvert. Wa man yamna'uka min at-tawba. Et ce qui était plus beau que ça, c'est que le savant ne lui a pas donné juste un espoir. Il a donné aussi un mode d'emploi. C'est-à-dire, il a dit innaka bi ardi su. S'il a compris directement que ce bonhomme, il ne doit pas être dans un contexte propre, il a dit, il rejette ce contexte pour aller dans une terre de Taouba. Et en même temps, il est mort dans ce chemin. Et ce qui était beau, c'est la fin. C'est-à-dire, quand il est mort dans le chemin. Et à partir de là, il y a deux groupes d'anges qui vont descendre. Le groupe d'anges de l'Ada, de châtiment, parce qu'ils ont vu la gravité de ce qu'il a commis comme péché. Et le groupe d'anges de Rahma, de miséricorde, parce qu'ils ont fait qu'il a achevé sa vie par un repentir. Même s'il n'a pas encore terminé, mais il a quand même voulu quitter le lieu. Et là, il est mort à mi-chemin. Juste à mi-chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il y a eu litige entre eux. Donc ils se sont divergés par rapport à son sort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un autre ange pour juger son sort. Il a dit mesurer plutôt l'endroit vers lequel il était le plus proche. Et le problème, c'est qu'il était au milieu. C'est-à-dire, l'histoire, elle est toujours là. Le problème, il est toujours là. Dans une variante, il a dit « فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الْأَرْضِ أَنْ تَدْفَعَ » C'est-à-dire que c'est la terre qui est venue pour le sauver. Elle a poussé. Ça pour dire que le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans un verset bien clair, « قُلْ يَا عِبَادِي » Ce verset, il n'est pas destiné pour les croyants. Il est destiné justement pour des personnes qui ont commis l'excès. « قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Moi, je peux me poser la question. Oui, je suis avec ceux qui ont asrafou, ils ont fait l'excès. Est-ce que je fais partie de ceux qui vont être pardonnés? Je vais poser cette question. Par exemple, comme le frère ou la sœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna Allah yaghfir ad-dunuba jami'a ». C'est-à-dire tous les péchés. C'est pour cela que certains savants, ils ont dit « Même shirk, Allah il le pardonne ». Il ne pardonne pas shirk, l'associationnisme, qui est par lequel on a fini notre vie tout en étant associateur. Mais si même j'ai commis des actes d'association, des shirks, Allah il me pardonne. Donc c'est pour cela, comme il disait frère Hamza, on est tous dans les péchés, donc on essaie, Inch'Allah, de... Et c'est pour cela, les ulama, ils disent aussi une règle très importante. Par rapport aux grands et petits péchés, ils disent ça, c'est juste une répartition pédagogique. Mais ça ne veut pas dire que moi, je commets des petits péchés, Allah il pardonne. Lui, il a commis des grands péchés, Allah... Ils disent dans une règle, la kabirata ma'al istighfar wa la sagirata ma'al israr. C'est-à-dire, il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de grand péché avec l'istighfar, le fait de demander pardon, il peut effacer les grands péchés. Et il n'y a pas de petit péché avec l'insistance. C'est-à-dire, moi je dis, je fais un petit péché, mais allez, si je veux continuer toute ma vie en train de me faire Rabbi me pardonne. Non. Donc c'est pour cela, il ne faut jamais désespérer de rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au shaytan, il a dit, dans un hadith, il a dit tant qu'ils sont vivants, je ne cesse de les égarer, les pousser, les inciter vers le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa izzati wa jalali, par ma gloire, par ma royauté, je ne cesse de les pardonner. Madamu istaghfiruna. Khalas, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu alayhi wa subhanahu wa ta'ala an yaj'ala ma qalahu akhuna Hamza inshallah fi mizan hasanati. Lui demande inshallah de venir une autre fois, inshallah, parce qu'il a dit que le sujet, vous avez vu que plusieurs fois, vous êtes témoin, donc il a dit que ce sujet, il demande d'être plus détaillé et tout. Je ne vais pas faire de ça, c'est toi qui vas faire de ça. Donc, sallallahu subhanahu wa ta'ala, inshallah, an yu'aliya sha'na, inshallah, qui lui facilite tout ce qu'il a fait, inshallah. Alhamdulillah, on a bien profité, inshallah, que ces occasions, les frères qui étaient à la cause de son invitation, inshallah. Ils sont aussi la cause d'inviter d'autres gens, inshallah, et de le réinviter une deuxième fois, inshallah, plus une troisième fois, inshallah. Et inshallah, donc, que vous, Allah subhanahu wa ta'ala, vous récompense pour votre patience. Alhamdulillah, vous êtes patient pendant, je ne sais pas, deux heures. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça ne se répète pas tout le temps. Donc, sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yaghfira dhunubana, an yatajawaza an sayyi'atina, wa an yaj'alana ikhwatan mutahabbin, inshallah, an yaj'alana muslimina, mu'minin, inshallah, an yaj'alana. كما جعل يعني الصحابة على قلب رجل واحد ليغفر ذنوبنا جميعا وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وأن يجعلنا تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا يجعل معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين, انصرهم في بورما, وانصرهم في كل مكان إن شاء الله. واجعلنا يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن يغفر لأخينا حمزة إن شاء الله, وأن يجعل هذه الخطوات التي مشاها إن شاء الله في ميزان حسناته, وأن ييسر إن شاء الله له مسيرته العلمية إن شاء الله, وأن يحفظه إن شاء الله من كل شر, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.